Et on va faire la dernière transition avec nos explorateurs sonores Oui, ils s'installent, qui donc ils s'installent. ont Et aujourd'hui, installé. ils vont pas parler, ils vont nous faire un DJ set. Ça va être le dernier DJ set à la radio. Donc jusqu'à midi, on écoute Jérôme et Patrice. Soyez indulgents et indulgentes. On n'a pas testé le système. On va voir est-ce si on a du son. On en a est-ce qu'il y a d'ailleurs du signal? pour l'instant pas, mais je ne sais pas si on est censé. Alors, Il y a du bruit. Est-ce que c'est pour l'instant rien. Il n'y a rien. Est-ce que le master a le master tout à droite? Le Master. voilà, tac. Ah, si, nous avons Ça quelque arrive, chose. ça arrive. Nous avons quelque chose. Voilà, Ouais. donc on vous laisse avec Jérôme et Patrice. Notre marchand de journaux, Cosmopolitan 5. Et dans ton bac, ton test Cosmopolitan. Ah, écoute, faisons les tout de suite. Whisky, vous rend très à nous. Vous vous endormez facilement. La répression permanente. Alors, vous écoutez Archi Radio et c'est un mix de Patrice Caillé et Jérôme Poré qui étaient là pendant 10 jours pour nous proposer leurs objets singuliers. Donc aujourd'hui, vous avez pu entendre une sorte de mix avec à peu près tous les vinyles qu'ils nous ont présentés chaque jour. Donc on a des objets, on a des vinyles de cuir, des vinyles complètement gondolés, d'autres qui ont été oxydés par le temps. Et voilà, et c'est cet enchaînement de différents vinyles qui crée le mix que nous écoutons. Et voilà, c'est le moment de se dire au revoir, hein, de finir Archi Radio pour cette année. Tout à fait, oui. Moi, j'ai été déjà coupé. Mon micro est encore là. Il je est là. Suis déjà parti. Non, je suis encore là. Je ne m'entends plus. Tu ne t'entends pas mais nous, on t'entend. Ah, ok, oui. C'est peut-être moi que je ne peux plus m'entendre, en fait. Bah oui, bah, merci à tous et à toutes. Je ne sais jamais comment faire cette finalité comme ça. C'était un moment très chaleureux, très émotif, avec tous les invités, beaucoup d'échanges. Vous pouvez écouter tous les archives qui sont sur le site d'Archi Radio. Et est-ce que Simon, merci Perry. Merci à vous. Merci. Merci Jérôme, merci Patrice. Merci Jérôme, merci Patrice. C'était super de vous rencontrer comme ça. Merci Jérémy qui n'est pas là. Oui. Merci Jérémy, merci Doris. Merci Doris. Oui. Merci Clara. Merci Jonathan, merci Rudy. Merci pour avoir tiré les ficelles depuis derrière la console. Bronzé sous la lumière des écrans. Exactement. Heureusement, tu n'es pas tombé malade, sinon ça aurait été très très difficile pour nous. Et puis heureusement qu'il y avait le parasol pour se protéger un peu quand même. Tout à fait. Bon, c'est le dernier jour du festival. Il faut aussi remercier peut-être Marie Janson et Denis Schuller qui nous ont invités à ce festival. Vu qu'ils sont en train de nous écouter. Oui. Bah, merci Marie et Denis pour cette super programmation. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Ouais. Je suis très content. Et c'était surtout une ambiance très, très aimable, très familiale pendant tous les 10 jours du festival.